qu'il ait mis en vers, je trouve beaucoup de plaisir à le raconter. Fin du poème. Enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.